au cœur. Putain, t'as vraiment rien compris. Y'a trop de choses qui me tracassent, qui me font mal au crâne. Donc j'écris des textes crades, traumatise la fait format 4. J'ai pas compris quand six des putes m'a dit sale étranger, retourne dans ton pays. Mais ferme ta gueule, moi n'importe où, j'mets les pieds, j'me sens à domicile. J'ai pas compris quand j'ai vu cette jeune fille faire la chaudasse. Elle n'a que 14 ans et fait déjà la belle. Appuyée comme une chienne, j'ai pas compris à quoi bon sert de nier ses origines. Négro, moi j'suis métis et j'en suis fier. Et quoi que tu penses, j'te le crie au effort pacifique, représente. J'ai pas compris pour comprendre. On est là peut-être pas trop tard. Est-ce ma tête, mon allure ou mes vêtements qui fait qu'en ville les vieux changent de trottoir. J'ai pas compris, faut qu'on m'explique. Y'a trop de boucaves, trop de langues de pute et trop de gueufs qui tournent dans la street. T'as pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on s'aime. Et dans la rue de quoi on sert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée. T'as pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on s'aime. Et dans la rue de quoi on sert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée. J'ai pas compris quand le pahu m'a mis au pied de son enseigne. Choqué quand j'ai crié que les barbares étaient ancêtres. Inséré dans la rue, là où je traîne tous les jours. On se fracture sur des pierres à se traîner sur les genoux. On joue avec le feu jusqu'au bord du périph. À ses risques et périls jusqu'au bord du pénis. Les gueules c'est mon blaze, les G c'est mon badge. Comprends-tu qu'on te baisse si tu touches à nos pages. Des pages pour des corps, on crache sur l'école. Dans ma zone on apprend à se parler par des codes. Des gosses en détresse, t'as compris ce qu'on était. On est dead, tu vaux serre car on se tue dans détail. Ton rap n'est pas taille car chez moi c'est black hat. T'es bas de gamme tellement faux que cacher t'es pas cap. J'termine ce couplet par les couilles d'Albator. Comprenez que dans le rap, j'suis fils d'Al Capone. T'as pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on s'aime. Et dans la rue de quoi on sert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée. T'as pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on sait. Mais dans la rue de concert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée. T'as pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on sait. Mais dans la rue de concert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée. J'ai bien compris que la française des jeux n'était que de l'arnaque. J'en ai vu mes écrocs et plus gagner que dalle. J'ai bien compris que dans la France même faux chier on nous emmerde. Que les huissiers sont des bâtards à mettre nos vies dans les enchères. J'ai bien compris que les vrais armées n'étaient pas fiables. Quand mes te disent wesh la famille et puis derrière ton dos il baisse ta femme. J'ai bien compris quand on m'a dit que l'amour fou s'est abattu. Que de nos jours on prend plaisir sans dire je t'aime dans une pâture. J'ai bien compris qu'avec l'argent tu prends du poids, t'écrases tout le monde. Mais dans le fond beaucoup voudraient te la mettre histoire que tu t'en. J'ai bien compris qu'il était dur de travailler dans les conserves. Alors je me bats dans le pura pour faire ma thune dans les conserves. J'ai pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on sait. Mais dans la rue de concert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée. J'ai pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on sait. Mais dans la rue de concert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée. T'as pas compris pourquoi on sonne, pourquoi on sait, pourquoi on sait. Mais dans la rue de quoi on sert. On se sert du ghetto pour se faire un salaire. Qui t'abraque au broli quand la note est salée.